Madame Émile de Girardin. Poème de Marceline Desbordes de Valmore. La mort vient de frapper les plus beaux yeux du monde. Nous ne les verrons plus qu'en saluant les cieux. Oui, c'est aux cieux déjà que leur grâce profonde, comme un aimant d'espoir, semble attirer nos yeux. Belle étoile, aux longs cils, qui regardait la terre. N'êtes-vous pas Delphine enlevée au flambeau, ardente à soulever le splendide mystère, pour nous illuminer dans nos bruyants tombeaux? Sa grande âme ingénue avait peur de la joie. Lucide et curieuse à l'égal des enfants, du long regard humide où le rire se noie, elle épiait les pleurs sous les fronts triomphants. Albert Dürer l'avait vue à l'étude penchée, au monde intérieur où lui seul pénétrait, quand sa mélancolie éternelle et cachée, dans un ange rêveur, la peignit trait pour trait. Son enfance éclata par un cri de victoire. Lisant à livre ouvert ou d'autres épelés, elle chantait sa mère, elle appelait la gloire. Elle enivrait la foule et les femmes tremblaient. Et charmante, elle aima comme elle était, sans feinte, loyale avec la haine autant qu'avec l'amour. Dans ses chants indignés, dans sa furtive plainte, comme un luth enflammé, son cœur vibrait à jour. Elle aussi, l'adorable, a gémi d'être née. Dans l'absence d'un cœur, toujours lent à venir, lorsque tous la suivaient, pensive et couronnée, ce cœur, elle eût donné ses jours pour l'obtenir. Oh, l'amour dans l'hymen, oh, rêve de la femme, ô pleurs mal essuyés, visibles dans ses vers. Tout ce qu'elle taisait à l'âme de son âme, doux pleurs, allez-vous-en l'apprendre à l'univers. Elle meurt, presque reine hélas, et presque heureuse, colombe aux plumes d'or, femme aux tendres douleurs. Elle meurt tout à coup, d'elle-même peureuse, et, douce, elle s'enferme au linceul de ses fleurs. Ô beauté, souveraine à travers tous les voiles, tant que les noms aimés retourneront aux cieux, nous chercherons Delphine à travers les étoiles, et son doux nom de sœur humectera nos yeux. 1855.